Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. Quatrième épisode. La campagne de pêche a commencé. Dans le huis clos du navire baleinier, les personnages entrent en scène. Le capitaine Ahab et sa jambe d'ivoire, Starbuck, le second, bon chrétien et marin courageux, Stubb, Flask, les deux lieutenants insouciants et enjoués, totalement insensibles aux merveilles de la pêche baleinière. Un soir, Ahab rassemble son équipage à l'arrière et informe ses hommes que la campagne de pêche pour laquelle ils se sont engagés a pour seul et unique but de retrouver et de tuer Moby Dick, le cachalot blanc qui a arraché sa jambe. Starbuck, scandalisé, dénonce le caractère sacrilège de cette entreprise. Mais l'équipage tout entier fanatisé fait serment d'aider à la vengeance de son capitaine. J'étais, moi, Ismaël, l'un de ces hommes du Pequod qui avait juré la mort de Moby Dick. La haine inextinguible d'Ahab était devenue mienne. Mais c'est un peu plus tard seulement que j'appris de quelques vieux maturins du bord l'histoire de ce monstre sanguinaire. Il faut que vous sachiez que, dans le monde des eaux, les récits fabuleux naissent tout naturellement de la substance même d'événements surprenants et terribles. Ajoutez à cela le penchant des marins à la superstition, né de l'ignorance et entretenu par la solitude de campagnes de pêche extraordinairement longues, et vous comprendrez comment il se faisait que le cachalot blanc et ses assauts étaient devenus un objet d'épouvante. Sans aucun doute, Moby Dick était un animal d'une taille et d'une malignité peu communes. Mais les rumeurs concernant les désastres qu'il provoquait ne cessaient de gagner en volume du seul fait de leur circulation à travers les immensités océaniques. Et les histoires qui se colportaient de la sorte sur le gaillard d'avant étaient devenues proprement extravagantes. Une des formes de la toute-puissance supposée de Moby Dick était son don d'ubiquité. Les marins les plus crédules vous soutiendront qu'il a été vu sous deux latitudes opposées à la même époque. Certains, plus superstitieux encore si c'est possible, jure que le monstre est doué d'immortalité. Et que jamais on ne le verra souffler un sang épais, quand bien même ses flancs seraient hérissés de dizaines de lances. Mais tous ceux qui ont été les témoins directs de ses assauts vous parleront surtout de sa malignité. De ses fuites traîtresses qui sèment la terreur. Quand présentant à ses poursuivants tous les signes de la plus grande frayeur, il fait volte-face. Et fond sur eux, fracasse leurs proues ou les contraint à une retraite désespérée jusqu'à leur navire. La plupart des récits de l'époque évoquaient un animal féroce aux attaques diaboliquement préméditées. Jugez à quelle extrémité de rage frénétique était porté l'esprit de ces chasseurs les plus farouches, lorsque parmi les débris des canots broyés et les membres flottants de leurs camarades déchiquetés, ils s'éloignaient à la nage du centre de ce chaos et se retrouvaient sous la lumière scandaleusement sereine du soleil. Depuis sa rencontre presque fatale avec le cachalot blanc, Ahab nourrissait un désir éperdu de vengeance envers l'animal dont la mâchoire avait fauché sa jambe, comme le moissonneur une herbe dans un champ. Dans sa morbide fureur, il en était venu à voir dans Moby Dick l'incarnation monomaniaque de toutes les forces maléfiques de l'univers. Certains, depuis le commencement des temps, font de cette puissance des ténèbres l'idole d'un culte. Ahab, lui, ne s'était pas jeté à genoux pour l'adorer, mais il en avait reporté l'idée sur le cachalot blanc et l'affrontait en un combat singulier. Sur la bosse blanche de l'animal, il avait amassé la somme totale de colère et de haine éprouvée par l'espèce humaine tout entière depuis Adam. Et comme si sa poitrine eût été un mortier, il en faisait désormais la cible de cet obus qu'était devenu son cœur brûlant. « Où est du navire ? Avez-vous vu le cachalot blanc ? Vu le cachalot blanc ? Cachalot blanc ? » La folie humaine, souvent, est chose féline et rusée. Quand il reçut le coup qui le déchira, Akab ne dut ressentir que la douleur suppliciante d'une lacération de sa chair. Mais ensuite, contraint de rentrer au port, son angoisse et lui demeurèrent allongés côte à côte dans un même hamac, doublant en plein hiver le sinistre cap de Patagonie. Et c'est alors que se forma sa monomanie, que son corps en lambeaux et son âme blessée mêlèrent leur ruisseau de sang, causant par ce mélange sa démence. Ces accès de folie furieuse pendant le voyage de retour obligèrent ses lieutenants à le ligoter fermement dans son hamac. Il délira longtemps dans sa camisole de force. Quand le navire eut traversé les tropiques, le vieil homme sembla avoir laissé ses divagations derrière lui avec les houles du Cap Horn. Il quitta son antre sombre, remonta vers la lumière du grand jour, et ses lieutenants remercièrent le ciel d'avoir dissipé la terrible folie. Mais Akab, au plus secret de son âme, délirait toujours. Oui, la folie humaine est chose féline et rusée. Feignant une souffrance ordinaire causée par un accident malheureusement ordinaire de la chasse, il dissimulait derrière un masque de morosité l'idée insensée dont la morsure ne le laissait pas un instant en repos. Non seulement il réussit à tromper les armateurs de Nantucket qui ne songeaient qu'à des campagnes de pêche lucratives, mais il exerçait désormais sur les hommes de son équipage une néfaste magie qui tenait leur âme si bien envoûtée que son rêve et sa haine semblaient être les leurs. Le vieil homme est penché sur ses cartes marines. Il ne m'a même pas entendu entrer. Comme chaque soir, à la lumière oscillante de la lourde lampe d'étain, il sort ses cartes jaunies et ridées, des cartes des quatre océans, et suit des lignes, en trace d'autres, d'un crayon lent et sûr. Il explore le labyrinthe des courants, jusque bien après minuit. Un vieux fou que tu es! Tu cherches une créature solitaire à travers les immensités océaniques de notre planète. Akab connaît les courants et sait que l'immigration du cachalot emprunte des voies immuables. Ton projet est insensé, Akab, mais ta méthode impeccable. Ta science du moment et du lieu te permettra de rencontrer Moby Dick à une époque précise, dans la pâture même qu'il fréquente à ce moment de l'année, si peu vraisemblable que la chose paraisse. Oui, je le reconnaîtrai. À son front neigeux, à sa haute bosse blanche. Tu as les indispensables outils, tes matelots pour parvenir à tes fins, vieil homme, mais cet équipage barbare est aussi capricieux et inconstant que le vent. Les marins ont salué avec ardeur, certes, l'annonce de la chasse, de ta chasse, Akab. Cependant, en attendant l'assaut final, veille à leur donner de quoi satisfaire leurs appétits ordinaires. Mais il y a autre chose. J'ai révélé mon dessein de manière peut-être prématurée, m'exposant dangereusement à l'accusation d'usurpation de pouvoir. Ta seule protection désormais réside dans l'autorité supérieure de ton cerveau. Tu domineras par l'esprit, par l'intelligence. Fort bien. Je vais donc redevenir un capitaine baleinier ordinaire et feindre pour l'instant de conduire une campagne de pêche ordinaire. Ah, monsieur Starbuck. Allez commander aux vigies de garder l'œil grand ouvert et de signaler tout ce qui bouge. Tout, vous m'entendez? Absolument tout, jusqu'au plus petit marsouin. Ce fut aussitôt un grand remue-ménage. En peu de temps, les trois embarcations, fixées à leur bossoir, se balançaient au-dessus des eaux, attendant l'ordre du capitaine. À cet instant critique, une soudaine exclamation détacha tous les regards des cachalots. Les hommes, les yeux écarquillés, contemplaient maintenant le sombre Hakab flanqué de cinq noirs fantômes qui semblaient s'être, comme par magie, matérialisés devant eux. En les découvrant, certaines allusions énigmatiques de Eli, le bizarre prophète des quais de Nantucket, me revinrent en mémoire. Avez-vous vu quelque chose qui avait forme humaine et se dirigeait vers le navire il y a un moment ? Oui, j'ai cru voir quatre ou cinq hommes monter à bord, mais il faisait trop sombre pour être sûr. Très sombre, en effet. Très sombre. Ou trop sombre, peut-être. Le personnage qui se tenait maintenant à la proue de ce qu'on appelle le canot du capitaine était grand et basané. Entre ses lèvres d'acier saillait, comme une chose maligne, une dent blanche. Sa veste chinoise et un ample pantalon de coton noir lui donnaient un aspect funèbre. Sa crinière tressée et enroulée plusieurs fois sur sa tête lui faisait un curieux turban d'une blancheur éclatante. Ses compagnons avaient le teint jaune-roux du tigre, particulier aux indigènes de Manille, une race célèbre pour la subtilité diabolique de ses ressources et que certains honnêtes marins jugent composée des espions et agents secrets du diable sur l'eau. C'est pareil, Fedala. Alors mettez à la mer. Et vous tous là-bas, vous aussi, mettez à la mer. Ces cinq gaillards couleur de tigre paraissaient être tout acier et fanon de baleine. Tels des marteaux à bascule, ils s'élevaient et retombaient régulièrement avec force, projetant à chaque coup d'aviron le canot en avant, comme la chaudière d'un vapeur du Mississippi. Il était peu douteux, ainsi que le soupçonnait Stubb, que cet équipage clandestin recruté par Hakab avait quelque chose à voir avec la traque du cachalot blanc. Mais, le croirez-vous, la stupeur initiale causée par l'apparition de ces fantômes subalternes lors de la première mise à la mer ne dura pas. C'est que l'on voit surgir de temps à autre sur nos baleiniers des individus si étranges, venus de tous les recoins et crassiers de la terre, sans parler de tous ces naufragés bizarres que l'on repêche en mer, sur des épaves ou dans des canots en dérive. Oui, on voit surgir parfois des créatures si énigmatiques que Belzébuth lui-même, s'il lui prenait un jour l'envie de grimper à bord, ne provoquerait sur le gaillard d'avant qu'une émotion passagère. Ces étrangers, venus d'un autre monde, trouvèrent donc rapidement leur place parmi l'équipage. Fedala, cependant, demeura jusqu'au bout, enveloppé de mystère. J'appris plus tard que l'homme au turban blanc était un Parsi, c'est-à-dire un lointain descendant des adorateurs de Zarathoustra émigrés en Inde. Comment expliquer l'influence ou l'autorité qu'il paraissait exercer sur notre ténébreux capitaine ? Personne n'en savait rien. Mais Fedala ne pouvait laisser indifférent. C'était une de ces créatures venues des immémoriales et immuables communautés asiatiques que les habitants des pays civilisés ne rencontrent que dans leurs rêves et encore, confusément. C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaborski. Quatrième épisode avec Christophe Giordano, Ismaël, Jean-Pierre Calfon, le capitaine Hakab, Olivier Clavery, Starbuck, Mahmoud Saïd, Fedala, Quentin Bayot, Eli et Jean Ocotrel, Nicolas Raka, Jean-Luc Debatisse, Maurice Anthony, Olivier Arrigui, Grégory Kidel, Abel Aboualiten, Pierre-Jean Pagès, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cato. Et avec Philippe Brunto, disparu en mer. Bruitage. Patrick Martinache.